Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a vu, on a terminé la définition du hadith sahih. On a vu que le hadith sahih, c'est quoi le hadith sahih, ya Athman? C'est le hadith où il n'y a pas d'interruption dans la chaîne de transmission. Voilà, que les rapporteurs de cette chaîne de transmission, ils sont tous qualifiés comme étant De confiance, et ayant une excellente mémoire. C'est même plus une bonne mémoire, là on parle de tam dhabt, yani une excellente mémoire. Quand on dit une excellente mémoire, on a vu que ça peut être d'une manière dans la tête ou si c'est écrit, ouais, ça peut être une mémorisation impressionnante de leur mémoire, ou ça peut être aussi parce qu'ils ont su protéger leurs écrits. C'est-à-dire il reçoit un hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Yanis, il rapporte du prophète. Yanis, il enseigne ce qu'il a rapporté du prophète à Riyad. Riyad, il me rapporte. Moi, j'écris ce que je prends de Riyad avec la chaîne de transmission. Et je mets cet écrit-là dans un coffre-fort à l'abri de toute dégradation. Que ce soit des dégradations du temps ou que ce soit des modifications de certaines personnes. Tamam? Ça rentre aussi dans Tam al-Dab. Tamam? Donc, après, il y a le vice caché. Enfin, une erreur. Ouais, sans qu'il n'y ait dans. Que ce soit dans le hadith ou dans la chaîne de transmission, un défaut caché. Ou une contradiction. Taïeb? انتهينا مع الحديث الصحيح ونقرأ الحديث الحسن قال الناظم عليه رحمة الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طيب لا déjà quand nous on a vu le hadith الصحيح, la définition qu'on vient de donner, c'est le hadith الصحيح لذاته, c'est le hadith qui est qu'on appelle sahih lidati, qu'on appelle, il est authentique en lui-même. Tamam? Parce que vous avez le sahih lidati ou le sahih li ghayri. Wa ma huwa al hadith al sahih li ghayri, ya Usman? Deux hadiths faibles. Deux hadiths Hassan, ou voire plus. Ce sont deux hadiths Hassan, de plusieurs qui viennent d'un chemin différent. Tamam? Par exemple, c'est le même hadith. Hada, il le rapporte de Abi Huraira. Hada, il le rapporte de Abi Saïd. Ces deux hadiths, quand tu les rassembles, celui-là, il est Hassan. Celui-là, il est Hassan. Hassan lidati, Hassan lidati. Ça fait un sahih limada, li ghayri. طيب نعم والحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف الضبط او خف ضبطه عن مثله او ارفع منه ولا يكون شذا ولا معللا. Donc le hadith Hassan, c'est la même définition que le hadith sahih, sauf que les rapporteurs ou le rapporteur de la chaîne de transmission ou un rapporteur de la chaîne de transmission, il est qualifié comme étant de faible mémorisation. Ça veut dire là par exemple, t'as une chaîne de transmission qui part de Fahmi, qui rapporte de Haroun qui rapporte de Riyad qui rapporte de Yanis. طيب, Yanis, thika, thabt, imam. Riyad, thika, thabt, imam. Haroun, emir al-mu'minin fil hadith. Tamam? Wa Fahmi, naqul mada, saduq. Wa Faiz, thika. طيب لو حديث لا Là, vous avez dans le hadith, dans la chaîne de transmission, vous avez quatre thiqa et un sadouq. Sadouq, c'est yani, c'est un daraja en dessous de thiqa. Là, tu es descendu. Thiqa, c'est le dernier, la dernière qualification de ce qu'on considère comme faisant partie des hommes de la chaîne de transmission authentique. Après, tu as sadouq. Sadouq, là, tu rentres dans Mala, le hadith Hassan. Donc, si il suffit qu'une personne de la chaîne de transmission il soit qualifié comme étant Sadouq, ça y est, le hadith il devient Hassan. Tamam? Le hadith il devient Hassan. Et le hadith, là, on dit qu'il est Hassan lidatihi. Il est Hassan en lui-même. Taïb. Donc, vous avez le sahih lidatihi. Le sahih lirayrihi. On a dit le sahih al-ghayri, c'est deux hadiths qui sont hassan en soi, tamam, qui viennent d'une chaîne de transmission différente. Ceux-là, quand tu les rassembles, ça fait un sahih al-ghayri. Taïb. Ensuite, vous avez le hassan lidatihi. Le hassan lidatihi, c'est la même définition que le sahih, sauf que l'un de ses rapporteurs, il est plus faible au niveau de la mémorisation. Tamam. Et ensuite, vous avez le Hassan Lirayre. Et le Hassan Lirayre, c'est quoi? C'est deux hadiths faibles. C'est deux hadiths faibles. Mais ce n'est pas une faiblesse qu'on appelle Muttarah. Ce n'est pas une faiblesse qu'on appelle Muttarah. Une faiblesse qui ne peut être. Qui ne peut être, comment dire, rafistolée. Si je peux dire. C'est une faiblesse qui est tellement yani, plutôt c'est une faiblesse qui peut être rafistolée. C'est pas une faiblesse qui est absolue, parce qu'il y a des hadiths où il y a des types de faiblesses dans le hadith qui ne peuvent pas être accompagnés d'autres hadiths faibles afin de les faire monter en degré. Comme si vous trouvez quelqu'un dans la chaîne de transmission, il est qualifié comme étant matrouk. Matrouk, c'est quelqu'un, il a été délaissé par les A'imma. Matrouk. Hada, sa faiblesse, elle est forte. Celui-là, tu ne peux pas reprendre son hadith et le compléter avec quelqu'un d'autre. Ou comme celui qu'on qualifie wadda', quelqu'un qui invente des hadiths au prophète, alayhi salatu wasalam. Celui qui est qualifié comme ça, son hadith, tu ne peux pas le prendre pour le renforcer avec un autre hadith. Tamam. Ala kulli hal. Sallallahu alayhi wa sallam jami'an. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.